Chapitre 8e. De retour chez lui, le capitaine Raig reçut, par l'entremise de la domestique, un message significatif. Mr. Noel Vanstone reviendrait dans l'après-midi à 2 heures et comptait bien avoir le plaisir de trouver Mr. Bygrave. La première question du capitaine, après la réception du message, fut pour s'enquérir de Magdalen. Où était Miss Bygrave? Dans sa chambre. Où était Mrs. Bygrave? Dans l'arrière-salon. Le capitaine Raig prit immédiatement cette dernière direction et, pour la seconde fois, trouva sa femme noyée dans les larmes. Elle avait été, tout le jour, bannie de la chambre de Magdalen et se creusait en vain l'esprit pour deviner comment elle avait mérité un traitement aussi rigoureux. Coupant court à ses lamentations sans beaucoup de cérémonie, son époux lui enjoignit de monter sur le champ et de savoir de Magdalen, à travers la porte, si elle pouvait accorder 5 minutes d'attention à une question de première importance qu'il fallait régler avant 2 heures. La réponse fut négative. Magdalen demandait que l'affaire pour laquelle on sollicitait sa décision lui fût soumise par écrit. Elle s'engageait à répondre de même, étant bien convenue que Mrs. Raig et non la domestique seraient employés pour cet échange de dépêches. Le capitaine Raig ouvrit à l'instant même une écritoire et traça ses lignes. « Agréez mes plus chaleureuses félicitations sur le résultat de votre entrevue avec Mr. N. Vanstone. Il revient à 2 heures et sans nul doute pour donner à ses propositions une forme officielle. La question à décider est de savoir si je dois ou non le presser au sujet des conventions pécuniaires. Les considérations que vous devez peser sont au nombre de 2. La première est de savoir si la susdite pression, sans que je veuille le moins du monde estimer trop bas votre influence sur lui, n'agira pas longtemps sur Mr. Noel Vanstone avant d'en extraire un argent quelconque. La seconde, si nous sommes le moins du monde autorisés, vu notre position actuelle à l'égard de certaines praticiennes en jupon dont la finesse nous est connue, à courir les risques d'un délai plus ou moins long. « Réfléchissez à tout ceci et, le plus tôt possible, faites-moi connaître votre décision. » La réponse à cette note était écrite en caractères irréguliers et couverts d'éclaboussures, qui différaient singulièrement de ceux que la main de Magdalen, ferme et posée, alignait d'habitude. Elle ne renfermait que ces mots. « Ne vous inquiétez pas du douaire. Laissez-moi le soin de régler l'emploi futur de ces capitaux. »« L'avez-vous vu ?» demanda le capitaine, quand sa femme lui remit cette réponse. « J'ai tâché, » dit Mrs. Raig avec un nouvel éclat de larmes, « mais elle a seulement entrouvert la porte de manière à y passer la main. J'ai pris cette main et je l'ai serrée légèrement. Pauvre enfant, c'était un morceau de glace. » Lorsque le maître de Mrs. Lecount reparut, à 2 heures, son état vraiment inquiétant réclamait l'anodine application de l'éventail vert que la femme de charge promenait si volontiers autour de ses tempes. L'agitation qu'il avait éprouvée en se déclarant à Magdalen, la terreur de voir sa trame découverte par Miss Lecount, le pressentiment inquiet des pénibles concessions pécuniaires que le parent et tuteur de Magdalen allait peut-être exiger de lui, toutes ces émotions, éminemment contradictoires, avaient imposé à son cœur une tâche que ce débile organe remplissait à grand effort. En reprenant place sur un fauteuil du salon de North Shingles, Mr. Vanstone respirait à peine, la bouche ouverte, et haletant comme un poisson hors de l'eau. En outre, cette pâleur bleuâtre qui, dans les moments de trouble, s'épandait invariablement sur son visage, s'y montrait maintenant aussi menaçante que jamais. Le capitaine Raig, sincèrement alarmé, saisit le flacon d'eau-de-vie et, avant que la moindre parole eût été échangée de part ou d'autre, contraignit son hôte à ingurgiter tout un verre de cette ardente liqueur. Restauré par un stimulant aussi énergique, et encouragé par la promptitude complaisante que mettait le capitaine à le devancer dans tout ce qu'il voulait dire, Mr. Noel Vanstone parvint à exposer, d'une manière suffisamment nette, l'objet sérieux de sa démarche. Tous les préliminaires d'usage pour ces sortes d'occasions furent réglés sans trop de peine. La famille du prétendu était respectable, sa position dans le monde ne pouvait que convenir. Son affection, bien que née un peu vite, se montrait désintéressé et sincère. Le capitaine Raig n'avait donc à énumérer ses diverses considérations avec un heureux choix de mots et une émotion qui faisait trembler sa voix mâle et sonore. Il s'en tira dans la perfection. Pendant la première demi-heure de cette conférence délicate, aucune allusion ne fut faite au sujet qui pouvait en compromettre l'heureuse issue. Avant de l'aborder, le capitaine attendit que son hôte fût complètement remis, et seulement alors ménagea la transition en des termes savamment calculés. « Il y a, monsieur Vanstone, une petite difficulté, dont vous ni moi n'avons peut-être assez tenu compte. La conduite récente de votre femme de charge me donne à penser qu'elle envisagera de toute autre façon que d'un œil amical le changement de votre existence. Vous n'avez probablement pas jugé nécessaire jusqu'à présent de lui faire connaître le nouveau lien que vous prétendez former. » Mr. Noel Vanstone pâlit à la seule idée d'une explication entre lui et Mrs. LeCount. « Je ne sais pas au juste ce que j'ai à faire, » dit-il, jetant un regard inquiet du côté de la fenêtre, comme s'il s'attendait à y voir paraître l'espionne assidue de ses moindres démarches. « J'ai en horreur les positions équivoques, et celle-ci est la plus gauche où je me sois jamais trouvé. Vous ne savez pas quelle terrible femme est LeCount. Ce n'est pas que j'ai peur d'elle. Vous ne supposez pas, j'imagine, qu'elle m'inspire la moindre crainte. » Son gosier, se serrant à ces mots, donna le démenti le plus complet à ses vaines bravades et lui coupa littéralement la parole. « Veuillez, je vous prie, ne point vous fatiguer en explication, » dit le capitaine Raig, qui vint immédiatement à son aide. « C'est là, monsieur Vanstone, une histoire de tous les jours. De quoi s'agit-il, en effet, d'une femme qui a vieilli à votre service et précédemment au service de votre père, d'une femme qui, par toutes sortes de petites menées souterraines, a su, depuis des années, empiéter systématiquement sur les limites de sa position servile, d'une femme, enfin, que vos bontés irréfléchies, mais tout à fait concevables, ont en quelque façon autorisé à revendiquer sur vous un droit de propriété. « De propriété ?» s'écria Mr. Vanstone, qui se méprit aux paroles du capitaine, et, désormais incapable de dissimuler ses craintes, laissa échapper malgré lui la vérité. J'ignore en effet ce qu'elle ne va pas revendiquer. En fait de propriété, elle me fera payer non seulement pour moi, mais pour mon père. Ce sera par milliers, monsieur Bygrave, oui, par milliers que les livres sterling sortiront de ma poche. Devant ce tableau de torture pécuniaire que son imagination venait d'évoquer, il joignit les mains par un geste de désespoir, comme si le sang doré de ses veines jaillissait à grands flots sous la lancette avide de Mrs. LeCount. « Doucement, Mr. Vanstone, doucement. Jusqu'à présent, cette femme ne sait rien, et l'argent n'est pas encore parti. Non, certes, l'argent, comme vous dites, n'est pas encore parti. Je suis seulement agacé au sujet de cet argent, et je ne saurais m'empêcher de l'être. Vous alliez tout à l'heure me dire quelque chose. Vous alliez me donner un conseil. Je fais le plus grand cas de vos avis, monsieur Bygrave. Ils me sont plus précieux que vous ne sauriez le croire. » Ces derniers mots furent prononcés avec le sourire presque suppliant d'un homme qui s'abandonne lui-même et s'asservit littéralement à quelque ami doué d'une intelligence supérieure. « Je me bornais, mon cher monsieur, à vous assurer que je comprenais les embarras de votre situation, » répondit le capitaine. « Je les vois aussi nettement que vous-même les pouvez voir. Dire à une femme comme Mrs. LeCount qu'il lui faut descendre de son trône domestique pour céder la place à une autre reine, plus jeune et plus belle, investie en outre des droits d'une épouse, c'est provoquer inévitablement un éclat désagréable. Je dis un éclat désagréable, monsieur Vanstone, en supposant fonder votre opinion sur le bon état mental de votre femme de charge. La chose serait bien autrement sérieuse, s'il arrivait par hasard, que j'eusse raison en supposant ses facultés un peu dérangées. Je ne dis pas que ce ne soit aussi ma manière de voir, répliqua Mr. Vanstone, et surtout après ce qui est arrivé aujourd'hui. Le capitaine Raig demanda aussitôt qu'on le mît au courant de l'incident auquel il venait d'être fait allusion. Là-dessus, Mr. Noel Vanstone, avec un nombre incalculable de parenthèses, toutes se référant à lui-même, expliqua que Mrs. LeCount, tout au plus une heure auparavant, avait posé à son maître la question qu'il redoutait sur le petit billet dont elle l'avait muni en guise de préservatif. À cette question, il avait répondu dans les termes indiqués par Mr. Bygrave. Instruite que l'exactitude du signalement avait été mise à l'épreuve, et qu'elle pêchait par le détail fort essentiel des signes indiqués comme devant se trouver sur le côté gauche du cou, Mrs. LeCount avait réfléchi quelque peu et demandé ensuite à son maître si, avant que l'épreuve ne fût tentée, il n'aurait pas montré à Mr. Bygrave la note rédigée par elle. Il lui avait répondu que non, ne voyant guère moyen de faire autrement. Et la femme de charge lui avait alors adressé cette adjuration solennelle et menaçante. « Vous me cachez la vérité, monsieur Noël. Vous accordez votre confiance à des étrangers. Vous la retirez à une ancienne domestique, à une fidèle amie. Chaque fois que vous allez chez Mr. Bygrave, chaque fois que vous voyez Miss Bygrave, vous faites un pas de plus vers l'abîme. Ils ont, malgré moi, étendu un bandeau sur vos yeux. Mais je vous annonce, et leur annonce en même temps, que je saurai l'en écarter avant peu de jours. » À cette bizarre imprécation, rendue encore plus extraordinaire par une expression qu'il n'avait jamais remarquée sur le visage de Mrs. LeCount, Mr. Noel Vanstone ne s'était permis aucune réponse. La conviction de Mr. Bygrave que la femme de charge portait en elle le germe d'une insanité latente lui était alors revenue à la pensée, et il avait saisi la première occasion de quitter la pièce où il se trouvait avec elle. Le capitaine Reig prêta la plus grande attention au récit qu'on lui détaillait ainsi. Une seule conclusion s'en pouvait déduire, c'est qu'il lui fallait, sans le moindre retard, précipiter le dénouement. « Je ne suis pas surpris, dit-il avec gravité, d'apprendre que vous inclinez à partager mon opinion. Après ce que vous venez de me dire, monsieur Vanstone, pas un homme de sens qui ne s'y rangea. Tout ceci devient sérieux. Je ne sais vraiment pas jusqu'où peuvent aller les conséquences de la notification que vous devriez faire à Mrs. LeCount relativement à vos nouveaux plans d'existence. Ma nièce pourrait s'y trouver impliquée. Or, ses nerfs sont en mauvais état. Elle est d'une sensibilité peut-être excessive. Je la vois devenue l'objet innocent de la haine et de la méfiance de cette femme insensée. Vous me faites peur, monsieur. Ce n'est pas légèrement que je puis perdre mon sang-froid, mais je vous avouerai que vous venez de m'inspirer pour l'avenir de véritables alarmes. » Il fronça le sourcil, secoua la tête et jeta sur son hôte un regard abattu. Mr. Noel Vanstone commençait à se sentir inquiet. Le changement survenu chez Mr. Bygrave sembla lui faire présager un nouvel examen de ses propositions matrimoniales, envisagé cette fois à un point de vue beaucoup moins favorable que le premier. Il prit alors conseil de la couardise et de la ruse qui dominaient en lui, qualités innées, et mit en avant une solution du problème due à sa propre imaginative. « Pourquoi donc en parler à LeCount ? » demanda-t-il. « Où a le droit de LeCount à être renseigné là-dessus ? Le mariage ne saurait-il avoir lieu sans qu'elle soit mise dans le secret ? Et ne se pourrait-il pas faire que quelqu'un fût chargé de lui en communiquer la nouvelle ? Après que nous nous serions mis tous les deux hors de portée ?» Le capitaine Reig accueillit cette proposition avec une expression de surprise qui faisait le plus grand honneur à ses talents mimiques. En effet, durant tout cet entretien, il s'était donné pour objet principal de l'amener où il en était, c'est-à-dire, en d'autres termes, de faire suggérer par Noel Vanstone, au lieu de la suggérer lui-même, l'idée d'un mariage pratiqué à l'insu de Mrs. LeCount. Personne, mieux que le capitaine, ne savait que les seules responsabilités dont veuille se charger un homme faible sont celles qu'on peut sans cesse lui signaler comme pesant exclusivement sur ses épaules. « Les procédés clandestins de toutes sortes me sont habituellement antipathiques, dit le capitaine Reig, mais les règles les plus strictes sont sujettes à quelques exceptions, et je suis obligé de convenir, monsieur Vanstone, que votre position dans tout ceci est une position exceptionnelle, s'il en fut jamais. La marche que vous venez d'indiquer, encore qu'elle me convienne assez peu et si déplaisante qu'elle puisse me paraître, non seulement vous épargnerez un embarras sérieux, pour ne rien dire de plus, mais vous mettrez aussi à l'abri de ces réclamations pécuniaires auxquelles vous avez déjà fait allusion, comme devant être exercées personnellement par votre femme de charge. nous atteindrions par là de résultats éminemment désirables, sans parler, en ce qui me concerne, du plaisir que j'éprouverais à ne plus redouter pour ma nièce aucune tracasserie. D'un autre côté, cependant, un mariage célébré aussi secrètement que vous paraissez le désirer doit être nécessairement un mariage à courte date, car dans la situation où nous sommes, plus long sera le délai, plus nous courons le risque de voir notre secret dévoilé. Je ne suis point hostile au mariage promptement conclu lorsque des flammes mutuelles sont alimentées par un revenu suffisant. Moi-même, j'ai fait un mariage d'amour, et sans y mettre beaucoup de temps. Il y a force exemples, et chacun pourrait en citer, de cours sommairement faites, et de mariages très expéditifs qui n'en ont pas moins retourné l'atout. Mille pardons, qui ont fort bien tourné, somme toute. Mais s'il est dit que ma nièce et vous, monsieur Vanstone, devez fournir un nouvel exemple de cette sorte d'événement, il nous faut, je crois, trouver les moyens de brusquer les préliminaires d'usage pour les mariages aristocratiques. Vous devez comprendre que je fais ici allusion aux conventions matrimoniales et à la rédaction du contrat. Encore une cuillerée d'eau de vie, dit Mr. Noel Vanstone, qui tendit son verre d'une main tremblante au moment où ce mot, convention matrimoniale, sortit des lèvres du capitaine Rake. Je vous tiendrai compagnie, dit le capitaine, descendant avec agilité du piédestal imposant où il juchait, et à petite gorgée, savourant son breuvage favori. Mr. Noel Vanstone, après avoir suivi avec une certaine agitation l'exemple de son hôte, se calma peu à peu, résigné à l'opération qu'allait suivre, rejetant sa tête en arrière, serrant convulsivement ses mains, et dans cette attitude spéciale que les souvenirs de tout être civilisé associent à l'idée d'un fauteuil de dentiste. Le capitaine posa le verre qu'il venait de vider et remonta immédiatement sur son piédestal. « Nous parlions du contrat, » reprit-il. « Je vous ai déjà fait savoir, monsieur Vanstone, dès le commencement de cet entretien, que ma nièce apporte pour tout douaire, à l'homme de son choix, ce qu'elle peut offrir de plus précieux, c'est-à-dire sa personne elle-même. Ceci, néanmoins, vous le savez sans doute, ne m'enlève pas le droit de régler avec son futur mari, selon nos us et coutumes, les conditions pécuniaires relatives à son établissement. Ainsi que cela se passe ordinairement, mon avocat aurait à s'entendre avec le vôtre. Il y aurait lieu à consultation. De nombreux délais s'en suivraient. Des étrangers seraient mis au courant de vos intentions. Et Mrs. LeCount, tôt ou tard, connaîtrait cette vérité que nous tenons à lui cacher. Ne sommes-nous pas jusqu'ici tout à fait d'accord ? Une appréhension inexprimable tenait close les lèvres de Mr. Noel Vanstone. Il ne put répondre que par une muette adhésion. « Fort bien, » reprit le capitaine. « Maintenant, monsieur, peut-être avez-vous remarqué que mon tour d'esprit est passablement original. Si, jusqu'ici, cette particularité ne vous a pas frappé, je serai obligé de vous dire que, sur certains sujets, je tiens à mes opinions, qui ne sont celles de personne. Les contrats de mariage figurent au nombre de ces sujets réservés. Que fait, en général, permettez-moi de vous le demander, un parent, un tuteur placé comme je le suis. Après avoir confié à l'homme choisi par lui le dépôt sacré du bonheur d'une femme, il prend tout à coup, vis-à-vis de cet homme, une attitude hostile et refuse de lui conférer une responsabilité bien inférieure, celle de pourvoir à l'avenir pécuniaire de sa future compagne. Le père de la fiancée cherche à lier son gendre par les clauses les plus étroites que la loi puisse lui fournir. Il prend, avec le mari de sa fille, les mêmes précautions que s'il avait affaire à un étranger. Je dis plus, un voleur. Je qualifie cette conduite d'inconvenante et d'illogique au premier chef. Aussi, ne me la verrez-vous pas adoptée, monsieur Vanstone. Vous ne verrez pas différer mes maximes et ma pratique. Si je vous confie ma nièce, j'accepte pour elle et pour moi, comme amplement suffisante, votre responsabilité en ce qui touche les questions secondaires. Votre main, monsieur, donnez-moi votre parole d'honneur que vous garantirez l'avenir de votre femme, ainsi qu'il convient à sa position et à votre fortune. Et désormais, la question du douaire sera réglée entre nous, réglée une bonne fois, réglée pour toujours. Les instructions de Magdalen se trouvant ainsi suivies de la manière la plus digne, le capitaine écarta les revers de son respectable paletot, et la tête en arrière, la main en avant, il offrait sur son siège le modèle de la tendresse paternelle, le portrait achevé de l'homme intègre. Pendant un moment, Mr. Noel Vanstone demeura littéralement pétrifié de surprise. L'instant d'après, il bondit de son fauteuil et, dans un véritable transport d'admiration, vint presser les mains de son magnanime et généreux ami. Jamais encore dans sa longue carrière, émaillée de tant de vicissitudes, le capitaine Raig n'avait eu autant de mal qu'en ce moment à conserver ses graves dehors. Le mépris que lui inspirait cet élan d'avaricieuse reconnaissance, le sentiment de triomphe que lui causait le succès du complot tramé contre un homme capable d'évaluer à 5 livres sterling la protection qu'il voulait lui vendre, le regret qu'il éprouvait de laisser échapper une si belle occasion d'agriculture morale, occasion qu'il n'aurait certainement pas négligée sans la crainte des complications où elle pouvait l'engager, toutes ces émotions diverses agitaient l'esprit du capitaine. Toutes luttaient à l'envi, cherchant à se manifester ou par des paroles ou par des changements de physionomie. Aussi laissa-t-il Mr. Noel Vanstone, en possession de ses mains, entassé d'une voix aiguë, protestation sur protestation et promesse sur promesse, jusqu'au moment où il se sentit tout à fait maître de lui-même. Quand il en fut là, il réinstalla le petit homme dans son fauteuil et en revint aussitôt à Mrs. LeCount. Nous pouvons, je suppose, étudier à nouveau l'obstacle que nous avons encore devant nous, dit le capitaine. Admettons que je fais violence à mes habitudes et à mes sentiments les plus chers, que je me laisse dominer par les considérations déjà indiquées, que je sanctionne votre désir d'être unie à ma nièce sans que Mrs. LeCount en soit instruite. Permettez-moi de vous demander en ce cas quels moyens vous auriez à suggérer pour en arriver à la réalisation de votre projet. Je n'ai rien à suggérer du tout, répondit Mr. Noel Vanstone, à bout d'invention. Verriez-vous quelque inconvénient à suggérer vous-même et pour mon compte? Votre requête est plus téméraire que vous ne le croyez, Monsieur Vanstone. Mais jamais je ne fais les choses à moitié. Lorsque j'agis avec la candeur dont je suis coutumier, je pousse la franchise, vous le savez déjà, jusqu'aux dernières limites de l'imprudence. Que si des circonstances exceptionnelles me contraignent de suivre une marche opposée, je deviens alors un renard comme il y en a peu. Supposons que, sur votre requête express, je dépose ici mon honnête vêtement anglais pour endosser une soutanelle de jésuite. Supposons que, par pure sympathie pour l'embarras où vous êtes, je me charge de soustraire votre secret à la curiosité de Mrs. LeCount. Je ne veux, dans un cas pareil, avoir à lutter chez vous contre aucun scrupule hors de saison. Si je dois, monsieur, jouer le tout pour le tout, c'est le tout pour le tout que vous devrez jouer également. Le tout pour le tout, cela me va, dit Mr. Vanstone avec une certaine vivacité, pourvu que vous preniez les devants. Je n'éprouve aucun scrupule à laisser LeCount dans les ténèbres. Mais elle est diantrement rusée, monsieur Palgrave. Comment en viendrons-nous à bout? Vous allez le savoir à l'instant, répondit le capitaine. J'aimerais néanmoins, avant de développer mes vues, à connaître votre opinion sur un point de moralité abstraite. Que pensez-vous, mon cher monsieur, de ce qu'on désigne en général sous le nom de fraude pieuse? Mr. Noel Vanstone parut légèrement embarrassé par cette question. Faut-il m'expliquer plus clairement? Continua le capitaine Raig. Que dites-vous de cette maxime universellement adoptée? Tous les stratagèmes sont permis en amour comme à la guerre. La regardez-vous comme vraie, oui ou non? Oui, répondit Mr. Noel Vanstone avec tout l'empressement du monde. Encore une question pour en finir, dit le capitaine. Verriez-vous quelque inconvénient particulier à tromper Mrs. LeCount par le moyen d'une de ces fraudes pieuses? Ici, la résolution de Mr. Noel Vanstone sembla vaciller quelque peu. Est-il probable que LeCount en vienne à la découvrir? Demanda-t-il, volontiers méticuleux. La découverte n'aura lieu dans tous les cas qu'après le mariage conclu et lorsque vous seriez hors de sa portée. Vous êtes bien sûr de ceci? Parfaitement sûr. « Jouez alors à l'écorne tous les tours qu'il vous plaira, » dit Mr. Noel Vanstone, qui semblait éprouver un soulagement inexprimable. « Elle m'a donné à penser dernièrement qu'elle prétendait me soumettre à une espèce de domination. Je commence à comprendre que j'ai toléré l'écorne bien assez longtemps. Je souhaiterais en être débarrassé. » « Votre souhait s'accomplira, » dit le capitaine Raig. « Dans 8 ou 10 jours, vous serez débarrassé d'elle. » Mr. Noel Vanstone se leva précipitamment et se rapprocha du fauteuil où trônait le capitaine. « En vérité, » s'écriait-il, « et comment prétendez-vous la faire partir ?»« Je prétends la faire partir pour un voyage, » répondit le capitaine Raig. « Un voyage ? Dans quel pays ?»« Un voyage de votre maison d'Alborough au chevet de son frère, malade à Zurich. » Mr. Noel Vanstone accueillit cette réponse par haut-le-corps et, tout à coup, regagna son fauteuil. « Comment cela vous serait-il possible ? » demanda-t-il dans une extrême perplexité. « Son frère, que Dieu confonde, se porte infiniment mieux. Une nouvelle lettre de Zurich arrivée ce matin lui en apportait la nouvelle. « Avez-vous vu cette lettre ? » ?»« Oui, sans doute. Elle me fatigue sans cesse des histoires de son frère. Elle a voulu absolument me la montrer. » « De qui était-elle et que disait-elle ? » ?»« Elle était du médecin. C'est toujours lui qui écrit. » Son frère ne me pèse pas une once, et la lettre ne m'a pas laissé grand souvenir, si ce n'est qu'elle était assez courte. Le malade allait beaucoup mieux, et si le médecin venait à ne plus écrire, elle devait regarder son silence comme un indice de guérison complète. Telle était la substance de cette communication. Avez-vous remarqué où elle a mis la lettre après que vous la lui eûtes rendue ? Certainement. Elle l'a mise dans le tiroir où elle garde ses livres de compte. Et ce tiroir, pouvez-vous l'ouvrir ? « Il va sans le dire que je le puis. J'en ai une double clé. J'ai toujours insisté pour avoir une double clé de l'endroit où elle garde ses livres de compte. Je ne permets jamais que ces livres soient soustraits à mon contrôle. C'est une des règles de la maison. Veuillez donc, monsieur Vanstone, vous procurer aujourd'hui même cette lettre, à l'insu de votre femme de charge, et ajouter à cette faveur celle de me la communiquer ici, secrètement, pendant 1 heure ou 2. Quel usage en comptez-vous faire ? Avant de vous le dire, j'ai encore quelques questions à vous adresser. Avez-vous à Zurich quelque ami intime sur l'assistance duquel vous pourriez compter s'il s'agissait de faire pièce à Mrs. LeCount ? De quel genre d'assistance voulez-vous parler ? Demanda Mr. Noel Vanstone. Supposons, dit le capitaine, que dans une lettre adressée à un de vos amis du continent, vous fissiez partir une autre lettre adressée à Mrs. LeCount d'Alborough. Et supposons que cet ami reçu pour instruction de faciliter une innocente plaisanterie en jetant dans la boîte aux lettres de Zurich l'épître à Mrs. LeCount. Connaissez-vous quelqu'un sur qui l'on pourrait compter pour cela ? Je connais 2 personnes sur qui l'on pourrait compter, s'écria Mr. Noel Vanstone. Ce sont 2 femmes, toutes 2 sans mari, toutes 2 implacables ennemies de LeCount. Mais où prétendez-vous en venir, Monsieur Bygrave ? Bien que je passe pour ne pas manquer habituellement de pénétration, je ne vois pas le moins du monde où vous voulez en venir. Vous le verrez bientôt, monsieur Vanstone. Le capitaine, se levant à ces mots et allant s'asseoir devant son pupitre, écrivit quelques lignes sur une feuille de papier à lettres. Il commença par se les lire lui-même avec le plus grand soin, et ensuite fit signe à Mr. Vanstone de venir en prendre connaissance. « Il y a quelques minutes, » disait le capitaine, étendant avec complaisance vers sa propre composition l'extrémité empennée de sa plume, « j'avais l'honneur de vous suggérer une pieuse fraude à l'adresse de Mrs. LeCount. Voici en quoi elle consiste. » Il céda, se disant à son hôte, le fauteuil placé devant le bureau. Mr. Noel Vanstone s'assit et lut la ligne suivante. « Ma chère dame, depuis ma dernière lettre, votre frère, j'ai le regret de vous l'annoncer, a subi une nouvelle rechute. Les symptômes en sont assez graves pour qu'il soit de mon devoir de vous appeler immédiatement à son chevet. Je fais tous mes efforts pour résister à ce nouvel envahissement du mal, et je n'ai pas tout à fait perdu l'espérance d'y réussir. Mais je ne saurais en bonne conscience vous laisser ignorer une aggravation dans l'état de mon malade, telle qu'on en peut attendre de funestes résultats. Je suis, avec toute la sympathie possible, etc. » Le capitaine Raig attendit, avec une certaine anxiété, l'effet que cette lettre pourrait produire. si peu généreux, si égoïste et si lâche qu'il pût être, Noël Vanstone lui-même éprouverait sans doute quelque remords à pratiquer une déception comme celle qui lui était suggérée envers une femme placée à son égard dans la position de Mrs. LeCount. Bien que par des motifs intéressés peut-être, elle ne l'en avait pas moins servi fidèlement. Il l'avait vu encore tout enfant posséder la confiance absolue de son père. Encore aujourd'hui, elle vivait à l'abri du toit qu'il habitait lui-même. Pouvait-il oublier tout ceci? Et s'il ne l'oubliait pas, pouvait-il, sans quelque hésitation, prêter son aide au plan qui venait de lui être proposé? Le capitaine Reig, sans le savoir, gardait assez de foi dans la nature humaine pour n'être pas tout à fait certain de ce qui allait arriver. À son grand étonnement, et aussi, nous devons l'ajouter, à son grand soulagement, il vit que ses craintes n'étaient nullement motivées. La seule émotion qui se produisait chez Mr. Noël Vanstone, tandis qu'il parcourait la lettre en question, fut une admiration cordiale de l'idée qu'avait eue son nouvel ami. Il s'y joignait le désir, suggéré par l'amour-propre, de s'attribuer, si la chose eût été faisable, le mérite d'une si belle invention. On peut chaque jour rencontrer un imbécile qui n'est pas un lâche. Ça et là se produit l'exemple d'un imbécile qui n'est pas rusé. Mais on peut raisonnablement révoquer en doute l'existence d'un imbécile qui n'est pas cruel. Parfait, s'écria Mr. Noël Vanstone en applaudissant. Monsieur Bygrave, vous en pourriez revendre au Figaro de la Comédie-Française. Et à propos de français, il y a dans cette jolie lettre une invraisemblance grave. Elle n'est pas écrite dans la langue qu'il lui fallut employer. C'est en français que le médecin rédige sa correspondance avec le Count. Après cela, peut-être avez-vous compté sur moi pour la traduire? Vous ne sauriez vous passer de mon aide, n'est-il pas vrai? J'écris le français aussi couramment que l'anglais, et vous allez voir. Je traduirai la chose sans lever le siège en deux traits de plume. » Il acheva sa traduction presque aussi vite que le capitaine Reig avait rédigé l'original. « Attendez un peu, » s'écria-t-il, critique triomphant, car il venait de découvrir une autre lacune dans l'ingénieuse composition de son ami. « Le médecin date toujours ses lettres, et vous n'avez pas daté la vôtre. »« C'est un soin que je vous laisse, » dit le capitaine avec un sourire sardonique. « Vous avez découvert le défaut, mon cher monsieur. Veuillez donc y remédier. » Mr. Noël Vanstone évalua, par la pensée, la largeur de l'abîme qui sépare la faculté de découvrir un défaut et celle de le corriger comme il convient. Puis, à l'exemple de bien des gens mieux avisés que lui, ne voulut pas se hasarder à le franchir. « Ce serait prendre beaucoup trop de liberté, » répondit-il poliment. « Peut-être avez-vous eu vos motifs pour remettre la date ?»« C'est bien possible, en effet, » reprit le capitaine Reig avec sa bonne humeur la plus familière. « La date doit dépendre du temps que prend une lettre pour arriver à Zurich. Je n'ai là-dessus aucune expérience. Vous, en revanche, du vivant de monsieur votre père, avez dû maintes et maintes fois calculer ce délai. Faites-moi profiter de vos renseignements. » Et nous ajouterons la date avant que vous quittiez cette table. » L'expérience de Mr. Noël Vanstone, ainsi que le capitaine Reig l'avait prévu, le mettait parfaitement à même de régler cette question de temps. Les chemins de fer du continent n'offraient pas encore de grandes ressources. Il fallait 10 jours entiers dans ce temps-là pour que la poste rapportât une lettre d'Angleterre à Zurich et de Zurich rapportât la réponse en Angleterre. Dater la lettre en français du 5e jour après celui de demain, dit le capitaine, une fois bien informé. À merveille. Ce qu'il me faut maintenant, c'est me procurer autant que possible le billet du médecin. Peut-être aurais-je besoin de m'exercer quelques heures pour copier votre traduction de manière à ce qu'elle semble écrite par lui. N'auriez-vous pas du papier à lettres fabriqué à l'étranger? Envoyez-moi quelques feuilles, et faites-moi passer en même temps une enveloppe adressée à l'une de vos amies de Zurich, en y joignant la requête par laquelle vous la priverez de jeter l'incluse à la poste. Je ne vous donnerai pas d'autres soucis, monsieur Vanstone, et maintenant n'accusez pas mon hospitalité. Mais plus tôt vous pourrez me fournir ces accessoires indispensables, et plus je vous serai obligé. Nous nous comprenons bien, je suppose. Après vous avoir accordé la main de ma nièce, j'autorise un mariage secret par égard pour les circonstances où vous vous trouvez placé. Un petit stratagème bien innocent est indispensable pour remplir vos vues. J'invente ce stratagème à votre requête express, et vous vous en servez sans la moindre hésitation. Il s'ensuit que dans 10 jours, à compter de demain, Mrs. LeCount sera partie pour la Suisse. Que dans 15 jours, à compter de demain, Mrs. LeCount, arrivant à Zurich, découvrira la mauvaise plaisanterie dont elle aura été l'objet. Que dans 20 jours, à compter de demain, Mrs. LeCount, de retour ici, trouvera sur la table les cartes de noces de son maître, et son maître lui-même parti pour ce voyage charmant auquel on consacre la lune de miel. Je laisse à tous ces détails leur forme arithmétique afin de les exposer plus clairement. Dieu vous accompagne à présent et bien le bonjour. Je serai sans doute assez heureux pour que Miss Bygrave veuille bien me recevoir demain matin, dit Mr. Noel Vanstone, se retournant au seuil de la porte. Prenons garde, répondit le capitaine Raig. Je ne m'oppose pas à l'entrevue de demain, mais je ne m'engage à rien de plus. Permettez-moi de vous rappeler que pendant les 10 jours qui vont suivre, nous aurons à tenir en échec Mrs. LeCount. Je voudrais la voir au fond de l'océan germanique, s'écria Mr. Noel Vanstone avec toute la ferveur d'un désappointement sincère. Il vous est commode à vous de la tenir en échec. Vous n'habitez pas la même maison qu'elle. Mais moi, comment faire ? On vous le dira demain, répliqua le capitaine. Faites seul votre promenade quotidienne et glissez-vous ici comme vous l'avez fait aujourd'hui vers 2 heures. D'ici là, n'oubliez pas l'envoi que je vous ai demandé. Scellez ensemble, dans une grande enveloppe, les objets dont ils se composent. Ceci fait, demandez à Mrs. LeCount de sortir avec vous comme à l'ordinaire, et tandis qu'elle sera remontée pour mettre son chapeau, dépêchez-moi votre domestique. Vous comprenez ? Bien le bonjour. Une heure après, l'enveloppe cachetée, avec tout ce qu'elle renfermait, parvint saine et sauve aux mains du capitaine Raig. Le double travail de contrefaire exactement une écriture inconnue et de copier correctement des mots écrits dans une langue qu'il connaissait à peine offrit au capitaine plus de difficultés qu'il n'en avait prévu. Il était 11 heures du soir avant que son entreprise fût heureusement menée à bien et que la lettre à destination de Zurich fût en état d'être jetée à la poste. Avant de s'aller coucher, l'honnête homme alla respirer l'air frais de la nuit sur le champ de parade alors désert. Toute lumière était éteinte à Sea View Cottage quand il regarda de ce côté, si ce n'est celle qui brûlait derrière la croisée de la femme de charge. Le capitaine Raig secoua la tête d'un air méfiant. Il avait maintenant assez d'expérience acquise pour que les veillées de Mrs. LeCount lui fussent particulièrement suspectes.